Section 8 de À la plus belle par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 15. À la plus belle. Javotte commence ainsi cette histoire qui devait tant divertir Berthe de Morvert. Voilà donc qu'hier, à la Brune, on a fermé les portes de la ville, à cause des soudards du roi de France, qui campent là-bas de l'autre côté de Couesnon, au bord de la Grève. C'est bon, mais il y a des êtres qui passent par les portes fermées, pas vrai? Et à propos des soldats du roi de France, j'espère que nous allons en avoir des fêtes. En veux-tu, en voilà? Elle s'arrêta pour compter sur ses doigts. Tenez, fit-elle, nous avons d'abord l'assemblée de Pontorson, d'ici et de là du Couesnon, Bretagne et Normandie, avec les milliers de pèlerins des grèves. Oh, mi-Jésus, ce sera beau, par exemple. Voilà pour une. Nous avons ensuite la grande cérémonie où le roi consacrera ses nouveaux chevaliers de Saint-Michel. Tournoi, joute, bague et le tradéridéralala, ça fait deux. Vous en serez, si vous voulez. Pas moi. Nous avons enfin la réception de notre seigneur le duc qui va venir en sa bonne ville de Dole avec toute la cour nantaise. Mais ton histoire, ma fille, dit Berthe. C'est vrai, mon histoire. Il y a donc des êtres qui passent par les portes fermées, je dis pour sûr, et ça n'est pas si rare que le merle blanc ou le trèfle à quatre feuilles. Quoi ? On ne parlait que de ça au marché. L'histoire, la voilà. Vers 11 heures de nuit, l'homme de guet, et n'est pas une honte qu'il n'y ait pour garder la ville de Dole qu'un pauvre éclopé, sans dents, qui boite de deux jambes, et qui porte sa hallebarde de la main gauche, pour cause qu'il n'est manchot de la droite. Oui bien, vers 11 heures, Renaud, l'homme du guet, et ça nomme cette pauvre créature, Renaud crut entendre au loin, du côté de la chapelle Sainte-Anne, un bruit de chevaux qui marchaient dans la boue. Dieu sait qu'il y en a de la boue dans notre bonne ville. Été comme hiver, quoi. Le gardien Renaud eut peur. Il mit sa hallebarde contre un muret, se cache sous une porte, il le fit, c'est lui qui l'a dit. Vous cacheriez-vous si vous portiez une hallebarde? Nenni, moi. Que vit-il, Renaud? Adam, voilà qui est drôle. Il vit l'homme de fer, dont personne ne découvrit jamais le visage. Il vit les 6 noirs, habillés de robes blanches, tous les 7 à cheval. Pas un de plus ni de moins, Renaud les compta. Les chevaux, des noirs, blancs, le cheval de l'ogre, avec son étoile d'argent entre les yeux. Je voudrais voir l'étoile. On ne meurt pas de peur. Ils allaient au pas, tous les 7, et ils chantaient je ne sais quelle antienne du démon. Voir, ce ne sont pas les refrains maudits qui nous manquent. Quand ils furent passés, Renaud, le garde de nuit, sortit tout doucement de sa cachette, en tremblant déjà la fièvre. Pauvre créature, il est au lit ce matin. Mais l'homme de fer, ou ses noirs, où pensez-vous qu'ils allaient, demoiselle Berthe ? Berthe ne répondit point. Elle affectait de l'indifférence, mais elle respirait avec peine, et ses joues avaient changé plusieurs fois de couleur. Javotte reprit. « Mi-Jésus, on dirait que vous êtes comme le vieux Renaud, et que vous tremblez les fièvres. Dame, il y a bien un peu de quoi. » Ils allaient, vrai comme je vous le dis, dans la rue Miracle, où nous sommes. « Ah ! » fit Berthe involontairement. « Je savais bien que cela allait vous divertir, » s'écria Javotte. « Et s'il vous plaît, dans quel endroit de la rue croyez-vous qu'ils se sont arrêtés ? Dites-le, si vous le savez. Se sont-ils arrêtés devant l'hôtel de Coitivy ? Non, point. Se sont-ils arrêtés en face du logis de Maître Postel le prévôt, dont la fille fait si bellement la demoiselle ? Ah non, vraiment, je vous le promets bien. » Se sont-ils arrêtés, les mécréants maudits, sous les fenêtres du baron de Trégoitte, dont la nièce relève son voile chaque fois qu'il passe une paire de guêtres ? Que non, certes, certes, non plus auprès du portail de l'hôtel de Combourg. Alors où donc ? C'est moi qui vais vous l'apprendre. Ils se sont arrêtés sous votre balcon, demoiselle Berthe de Morvert. « Sous mon balcon ? » répéta la jeune fille, dont les sourcils délicats se froncèrent. « Renaud les a vus, et Renaud me l'a dit. Mais je voulais vous demander cela. » N'avez-vous point ouï leur chanson ? Berthe tourna la tête et répondit par un nom à peine intelligible. « C'est que les rideaux de votre alcôve sont épais, » reprit Javotte, « et les volets de la croisée en bon bois. Mais ils ont chanté, mi-Jésus, ils ont chanté. Et l'homme de fer a une belle voix, bien douce, au dire du vieux Renaud. Est-ce drôle ? Oui, oui, c'est drôle. Trouvez plus drôle. Ce qu'il chantait, Renaud ne le comprenait point, car c'était de l'étranger. Mais à la fin des fins, l'homme de fer a pris une viole pour recouler une tension en français, et le refrain du tension était « à la plus belle ». Vrai comme j'ai reçu le Saint-Baptême, voyant quoi le vieux Renaud s'est bien douté qu'il s'agissait de vous. « Tu es folle, Javotte, » dit Berthe, qui cette fois rougit tout de bon. « Folle ? » se récria la camériste. « Mi-Jésus, L'homme de fer était en plein sous le lampion qui brûle en l'honneur de Madame Sainte-Anne. À cet endroit, c'est certain, on ne peut s'adresser qu'à vous, qu'à la petite Jeannine ou à moi. Mais le plus étonnant le voilà sûrement. Quand ils ont eu bien chanté, les 7 cavaliers ont redescendu la rue, et Renaud les a encore suivis de loin. Pauvre créature! De temps en temps, il buvait un coup à sa gourde pour se donner un peu de cœur. Les 7 cavaliers allaient, allaient. Jamais la ville n'avait semblé si grande au pauvre Renaud. Il eût donné sa paye d'une semaine pour un rayon de lune. Mais la lune ne brillait point, et de vers la porte Saint-Sauveur, les 7 cavaliers entrèrent en terre et disparurent comme autant de fantômes. Javotte se tut. Elle n'avait pas tout dit cependant, car elle regardait sa maîtresse d'un air malin et tenait ses doigts sous la bure de son corsage. Berthe rêvait. « Notre demoiselle, poursuivit Javotte, que pensez-vous de tout cela ?»« Je pense, répliqua Berthe, que le vieux Renaud avait eu trop souvent recours à sa gourde pour se donner du cœur, et qu'il t'a conté un rêve, ma fille. » Javotte s'attendait à cette réponse, car elle sourit et tira de son sein l'objet qu'elle y caressait depuis quelques secondes. C'était un ruban de soie crépi d'or, au milieu duquel des perles montées traçaient une ligne de caractère. « Et ça, dit-elle, est-ce un rêve ?» Berthe jeta les yeux sur le ruban et lut « À la plus belle !» Comme elle gardait le silence, Javotte poursuivit encore d'un accent de triomphe « Je vous le dis, cette incomparable galanterie est pour vous, pour moi ou pour la petite Jeannine. » Et certes, l'inflexion de voix qu'elle prenait pour prononcer le nom de la petite Jeannine ne laissait rien à désirer. Javotte savait garder son rang. Un page mignon entr'ouvrit la porte qui donnait sur la terrasse. « La fillette de chez la Le Priole demande à vous entretenir, demoiselle, » dit-il. « Oh, oh !» fit Javotte, « quand on parle du loup. »« Qu'elle entre !» ordonna Berthe vivement. Elle avait rappelé son charmant sourire, et ce fut d'un ton de gaieté qu'elle s'écria en voyant paraître Jeannine « Bonjour, ma rivale !» C'était une allusion aux dernières paroles de Javotte, et Jeannine, qui n'était point au fait, ne la pouvait point comprendre. Elle entra, les yeux baissés, et ce mot « ma rivale !» la fit tressaillir. Elle demeura auprès du seuil, toute pâle. « Eh bien !» dit Javotte brusquement. « Est-ce comme ça qu'on salue Mademoiselle Morvert ?» Berthe lui montra la porte. « Laissez-nous, ma fille » murmura-t-elle. Javotte obéit avec une répugnance manifeste. « Adam, Adam » pensait-elle en se retirant. « De quoi des mercières, c'est le Priole ? Et Jeannin, un domestique ? Eh bien, voilà une belle société. Mais une belle, que je dis. Oui, je le dis. Après ?» Pour la fille de Morvert, ça finira mal, et je m'en bats l'œil encore. Ah, mais qu'elles restent ensemble, qu'elles jacassent, qu'elles bavassent, qu'elles fricassent. Oh, le bon sang de frère Bruno, la bavette! Tiens, fit-elle tout à coup, en arrangeant d'instinct sa devantière, voilà Huel, le valet de Chenil, qui dit que je chante mieux qu'un rossignol. Il s'y connaît, ce Huel. Et pour donner une occasion de plus à Huel d'admirer sa voix, qui était aigre comme Verjus, elle entonna dans le registre des fifres enrhumées la plus jolie chanson qu'elle n'eût jamais apprise. « Ouais, ouais, j'en s'perdu nos ouais. Jean, Jean, les as-tu trouvés ? Ouais, ouais, si tu les as trouvés, Jean, Jean, faut me les ramener. » Si Huel, le valet de pied, ne fut pas content, c'est donc qu'il était bien difficile en fait de poésie. Pendant cela, Berthe et Jeannine étaient restées seules. Il y avait du contentement sur le visage de Berthe. Jeannine, au contraire, ne pouvait cacher la gêne qu'elle éprouvait. « Moi, balbutia-t-elle, songeant sans doute au motif qui l'avait éloignée du manoir, moi, votre rivale, demoiselle Berthe ?» Berthe éclata de rire et la baisa. « C'est une folie, s'écria-t-elle. Tu es mon amie, et voilà tout. Mais comme il y a longtemps que tu n'es venue, ma petite Jeannine, je crois que tu ne m'aimes plus. »« Oh !» fit cette dernière, dont les yeux ne se relevaient point. « Écoute, reprit Berthe, moi je t'aime, tu le sais bien, comme si tu étais ma sœur. Quand j'ai appris que tu venais habiter avec ta grand-mère, la bonne Fanchon le Priole, j'ai été bien heureuse. Je me disais, il n'y a que la rue à traverser. Je la verrai tous les jours. Eh bien, méchante que tu es, tu m'oublies ?»« Grand-maman a de l'ouvrage, dit Jeannine à voix basse. Je travaille. »« Mauvaise raison. Ne peux-tu apporter ta broderie et travailler avec moi ?»« Je n'oserais. » « Tu vois bien, » dit Berthe en frappant son pied contre terre, « tu ne m'aimes plus. » Jeannine prit sa main et l'approcha de ses lèvres respectueusement. Berthe la retira avec colère. En ce moment, si vous eussiez eu à décerner à l'une ou à l'autre ce mystérieux ruban qui portait, écrit en lettres de perles, à la plus belle, je vous le dis, vous auriez été sérieusement embarrassée. C'était la même jeunesse chez toutes deux, la même jeunesse riche et fleurie. C'était une grâce pareille. Jeannine perdait bien un peu de ses avantages à n'être plus l'espiègle et vive enfant que nous avons vu naguère à la fenêtre du Rose, pendant que messire Aubry s'escrimait si malheureusement contre la quintaine. Mais la tristesse rêveuse qui la tenait depuis 15 jours mettait à son front ce grain de poésie qui peut-être lui manquait autrefois. Quant à Berthe, la poésie débordait en elle. Elle avait le cœur sur le visage, un cœur tendre et beau. Berthe avait perdu sa mère alors qu'elle était encore tout enfant. C'était Madame Rennes qui l'avait élevée. Ses premiers ans s'étaient passés au manoir du Rose, entre Jeannine et Aubry. Elle aimait Aubry, son fiancé, et c'était une de ces affections qui ne cèdent ni au temps ni à l'absence. Elle se croyait aimée. Tout le monde semblait s'être donné le mot pour affermir cette croyance. Selon l'opinion commune, messire Aubry poussait la tendresse qu'il lui portait jusqu'au culte et devenait muet devant elle, tant il était profondément épris. Il y avait 4 ou 5 ans que Berthe avait quitté le manoir du Rose pour habiter la maison de son père. C'était une maison triste et un peu abandonnée, car le sire de Morvert n'y faisait que de très brefs séjours. Il suivait la cour de François II de Bretagne. Sa sœur aînée, dame Joseph de la Croix-Maudit, veuve d'un gentilhomme normand, était surintendante à son lieu et place. Une vieille et discrète personne, droite comme un i, maigre comme un clou, un peu revêche, très sourde et n'aimant point ce qui fait dépenser de l'argent. Berthe était libre, car dame Joseph ne savait rien lui refuser, mais elle n'avait pas d'amis de son âge et de sa condition. Or, il lui fallait de nécessité quelqu'un à aimer. Bien que Jeannine ne fût pas la fille d'un gentilhomme, Berthe la traitait en tout comme son égale et son amie. « Tu ne m'aimes plus, » reprit-elle les larmes aux yeux et le rouge au front. « Et sais-je ce que j'ai fait, moi, pour que tout le monde me délaisse? Suis-je donc méchante? Suis-je donc... Oh, que vous êtes bonne, demoiselle Berthe! Tout le monde vous aime !»« Demoiselle, tu m'appelais Berthe autrefois, Jeannine. T'ai-je donc jamais fait sentir la distance que le hasard a mis entre nous ? N'ai-je pas dit bien haut et bien souvent que je tenais ton digne père pour noble homme, par le cœur et par la vaillance ? Vous avez toujours été la meilleure, la plus douce, la plus indulgente. Tais-toi, s'écria Berthe, en marchant vers la fenêtre que Javotte avait fermée avant de sortir. Tu ne sais plus me parler. Il y a quelque chose entre toi et moi. Tout à l'heure, sur un compte de cet étourdi de Javotte, je t'appelais ma rivale. Au nom de Dieu ! S'écria Jeannine effrayée. Ne croyez pas cela, demoiselle Berthe. Berthe, qui avait la main sur la targette de la fenêtre, ne put s'empêcher de sourire. Elle pesa sur le pommeau de la targette, et la fenêtre s'ouvrit, laissant passer un clair et vif rayon de soleil. Berthe regardait Jeannine, qui restait toute confuse. Voilà que je t'ai fâchée, dit-elle doucement, et comme on demande grâce. Il faut donc que je t'explique cette folie. La rue est entre nous deux, et l'on a trouvé dans la rue un ruban portant ces mots. « À la plus belle !» Voilà pourquoi Javotte disait. Elle eut la parole coupée. Une flèche, lancée par une main mystérieuse, passa par-dessus le balcon et vint se ficher dans le plancher, juste entre les deux jeunes filles, à égale distance de chacune d'elles. Il y avait quelque chose d'attaché sous les barbes. Quand la flèche ne trembla plus, Berthe et Jeannine reconnurent en même temps que l'objet qui pendait au bois était un cœur d'or semé tout de saphirs. Elles s'approchèrent, curieuses, malgré leur frayeur étonnée. Les saphirs formaient des lettres entrelacées qui disaient « à la plus belle ». Chapitre 16. Rival. Celui qui avait imaginé cette bizarre et dangereuse galanterie ne devait pas être très loin, car la flèche, dirigée avec une merveilleuse adresse, avait dû raser la joue de Berthe pour se planter entre elle et sa compagne. Comme nous l'avons dit, le logis de dame Fanchon le Priol occupait l'autre côté de la rue. Derrière le logis de dame Fanchon, qui était bas et un seul étage, il y avait des terrains vagues et des masures. C'était de là très certainement que le coup était parti. L'effroi de Berthe n'avait été qu'un mouvement passager, celui de Jeannine durait encore. Berthe monta sur le balcon et regarda de tous ses yeux. La rue était déserte. Dans les orties, broussailles et pauvres ruines qui s'étendaient à perte de vue derrière la petite maison Le Priol, personne ne se montrait. Berthe rentra et ferma la croisée. Jeannine était toute tremblante. « Je n'ai plus besoin de te rien expliquer, ma fille, » dit Berthe. « Tu vois ce que c'est. et aujourd'hui comme hier, la pomme tombe entre nous deux. Est-ce pour toi? Est-ce pour moi? C'est pour vous, répliqua Jeanne, puisque c'est pour la plus belle. Assieds-toi là, flatteuse. Ce n'est pas parce que ces présents mystérieux sont destinés à la plus belle que je me les attribue. C'est parce que... Elle hésita et jeta un regard furtif sur Jeannine, qui était très pâle. « Mais tu as peut-être, toi aussi, des raisons, » dit-elle en baissant la voix, « pour croire qu'ils te sont adressés. »« C'est vrai, » dit Jeannine. Et cela fut prononcé vivement, comme si elle eût été bien aise de faire un aveu à son tour. Elle songeait à ce hasard étrange qui la mettait deux fois en face de Berthe et qui la faisait deux fois sa rivale. Et combien de bon cœur elle lui cédait le bénéfice de cette seconde rivalité. Quant à l'autre pauvre Jeannine, ne vous suffit-il pas qu'elle ait perdu son gai sourire ? Aubry, Aubry ! Depuis 15 jours, ce nom était sur sa lèvre et dans sa pensée, mais elle ne se mentait pas quand elle disait à Berthe « Non, mademoiselle, je ne suis pas votre rivale ». Elle ne mentait pas, car on ne pêche que par la volonté. Or, la pauvre Jeannine s'était enfuie du manoir du Rose, précisément pour n'être pas la rivale de la fille de Morvert. Elle aimait, c'est vrai, mais elle combattait vaillamment contre son cœur. Berthe se trompait, Jeannine était son amie plus que jamais. Seulement Jeannine ne pouvait plus se livrer aux joyeuses caresses qui égayent les entretiens des jeunes filles. Elle se sentait condamnée depuis le jour où elle avait quitté le Rose. Elle n'espérait plus, et la recherche obstinée d'Aubry lui faisait peur. « Oh !» reprit Berthe, intriguée, « tu as des raisons de penser cela? Quelles raisons ?» Au lieu de répondre, Jeannine tira de son sein un petit médaillon d'or guilloché où ces mêmes mots, répétés déjà tant de fois à la plus belle, se trouvaient gravés au poinçon. Berthe laissa échapper un mouvement de surprise. « Avant-hier, dit-elle, en m'éveillant, j'en ai trouvé un tout pareil à mon chevet. C'est à mon chevet, avant-hier, en m'éveillant, que j'ai trouvé celui-là, » murmura Jeannine. Il y eut un silence. Les deux jeunes filles se regardaient également étonnées. « Et, » articula Berthe avec effort, « l'as-tu vu ?» Cette question choquait toutes les règles de la grammaire. En bonne syntaxe, l'article « le » devait se rapporter au médaillon, et pourtant il ne s'agissait plus du tout du médaillon. Jeannine n'eût pas été femme si elle eût pris le change. Elle répondit sans hésiter, « je l'ai vu. »« Comment est-il ? » demanda Berthe. « Il est beau, plus beau que pas un de nos jeunes gens. » « C'est vrai, » murmura Berthe, comme en se parlant à elle-même. « Aubry lui-même est moins beau que lui. »« Oh !» fit Jeannine vivement, « ce n'est pas la même chose. » Et se reprenant aussitôt, elle ajouta, « Je veux dire qu'ils ne sont pas du même âge. Celui dont nous parlons a bien 26 ou 27 ans à peu près. Il est blanc de teint, n'est-ce pas, comme un enfant ou une femme, et si pâle. Oh, si pâle qu'on dirait un mort de marbre, sculpté sur une tombe. Oui, et pourtant chacun de ses mouvements décèle la vigueur. » C'était Jeannine qui disait cela. Berthe reprit, « La première fois que je le vis, moi, c'était en la cathédrale. Il était adossé contre le second pilier de la nef, à gauche, et un rayon bleu tombait du vitrail, qui fait la robe de la Vierge, sur son front triste. Je ne sais pourquoi mon cœur eut le frisson, il vint du froid jusqu'en mes veines. Moi, répliqua Jeannine, je l'aperçus à la chapelle Saint-Jean, c'était le soir au salut. Il s'appuyait contre la statue de l'évangéliste. La lune venait dans ses yeux, clairs et froids comme du cristal. « Et il me regardait, » poursuivit Berthe, « il me regardait. Moi de même, j'en perdis presque le fil de mon oraison. Et son nom, » demanda Berthe, « le sais-tu ? Personne ne le sait. C'est étrange. Ma grand-mère Fanchon, qui est vieille et qui cause avec tout le monde, dit que c'est un prince d'Orient, venu en pèlerinage au Mont-Saint-Michel. « Il a bien l'air d'un prince, » murmura Berthe. L'aumônier de Sainte-Rosalie dit que c'est un païen et qu'on devrait fermer devant lui la porte des églises. « Il a bien l'air d'un païen, » murmura encore Berthe qui rêvait. « J'ai vu dans les figures de l'histoire sainte le portrait de ce duc assyrien à Holoferne, tué par la noble Judith, dame de Béthulie, au temps de Nabuchodonosor. Ce portrait lui ressemble. Depuis cette première fois, » reprit-elle en s'adressant à Jeannine, « je le rencontre partout sur mon passage, et avant-hier je le vis de loin dans les bois de Landal, qui chevauchait aux côtés d'Aubry. « Que Dieu garde messire Aubry !» prononça Jeannine si bas que Berthe ne put l'entendre. « Est-ce que tu penses à lui ?» demanda Berthe tout à coup. Jeannine recula épouvantée. Pour elle, cette question se rapportait à Aubry de Kergariou. « À lui ? » répéta-t-elle. « Folle que je suis !» s'écria Berthe. « Autour du manoir rose, il y a des jeunes gens de ton âge. Tu as ton fiancé, sans doute. N'es-tu pas trop bonne chrétienne pour songer à cet inconnu que l'on soupçonne d'être un mécréant ? Jeanine respira, mais elle ne voulut plus affronter le danger de ses méprises. « Ma chère demoiselle, dit-elle en changeant de ton, vous m'avez fait oublier le motif de ma venue. »« C'est juste, interrompit Berthe, il te faut à présent des motifs pour venir me voir. » « Mon père m'a écrit et m'a chargé de vous dire que messire Aubry sollicite la faveur de vous accompagner à l'assemblée de Pontorson, qui sera suivie de belles joutes sur la rive normande, en l'honneur des nouveaux chevaliers de Saint-Michel. » Le visage de Berthe s'éclaira. « Certes, certes, s'écria-t-elle, sans prendre souci de dissimuler sa joie. Alors il va venir. » « Dans une heure, répliqua Jeanine, messire Aubry sera ici avec sa suite. » « Et tu ne parlais pas, Jeanine, dans une heure ?» Elle se leva, toute souriante. « Javotte, Javotte » appela-t-elle. « Ici, vite, vite !»« Mon Dieu !» reprit-elle en se regardant. « Comme me voilà faite, je ne sais pourquoi l'on me coiffe ainsi. Javotte, Javotte !» Javotte se montra sur le seuil. « Mais viens donc, mamie !» dit Berthe d'un ton grondeur et affairé. « Tu vois bien qu'il me faut faire un peu de toilette !» Javotte fixa sur elle ses gros yeux stupéfaits. « Mi Jésus » murmura-t-elle. « Nous venons d'y passer de bonnes heures. »« Regarde !» continua Berthe cependant. « Regarde si cela ne donne pas compassion. Mon corsage fait un pli mal gracieux au beau milieu de ma poitrine. Et ne mettront pas le poing dans ma ceinture ? Ah, Seigneur, Seigneur, que je suis abandonnée ! N'as-tu pas honte, Javotte, de me laisser au bras ces festons surannés ? La mode en était sous le feu duc. Et mes cheveux, ne dirait-on pas que tu as cru coiffer, madame ma chère tante ? Vraiment, moi je t'admire, Javotte, tu restes là, tu ne dis rien. Penses-tu que ce soit à toi que je parle ? Adam, Adam ! Dit Javotte, suffoqué, mi Jésus, faut pas mentir, qui vous a mordu, notre demoiselle ? Elle ne savait positivement point d'où lui tombait cette averse de reproche. Son regard courroucé se tourna vers Jeanine. La pauvre Jeanine, triste et muette, se tenait auprès de la croisée. « C'est ce bel oiseau-là, pensa Javotte, qui me vaut ce paquet. Je te retrouverai, Péronnel. » « Voyons, reprit Berthe, avec une pétulance croissante. M'entends-tu, oui ou non ? Je ne veux pas de ce corsage, je ne veux pas de cette ceinture, je ne veux pas de ces tresses lourdes et gauchement disposées. C'est bon, tout à l'heure c'était superbe. Je veux être jolie. Toute une chacune souhaite ça assez. Silence et à l'ouvrage. » Ce fut un grave et solennel quart d'heure, un vrai coup de feu, où Javotte ne se montra point trop au-dessous de la responsabilité qui pesait sur elle. Elle se multiplia, elle se surpassa. Là, une taille de Berthe s'assouplit sous un autre corsage. Ses beaux cheveux ondulèrent, prodiguant leurs opulents reflets. Jeanine était restée pensive. Il y avait une larme à sa paupière. Était-ce l'envie ? Oh non ! Jeanine n'avait rien de mauvais dans le cœur, mais quand elle interrogeait l'avenir, elle n'y découvrait que menaces et tristesses. « Là ! S'écria Berthe. « Viens ça, Jeanine. Suis-je belle ?»« Oui, demoiselle Berthe, répondit la jeune fille, qui essaya de sourire. « Vous êtes bien belle. Tu nous accompagneras, Jeanine ?»« Non, répondit celle-ci avec un gros soupir. Cela m'est impossible. Je le veux. Je vous en prie, demoiselle, ne me demandez point cela. » Mais Berthe lui prit la tête à pleine main et la baisa gaiement en répétant « Je le veux. » En ce moment, le pavé de la cour retentit sous les pas des chevaux. Berthe perdit sa gaieté. Elle jeta un regard craintif vers son miroir et ne se trouva plus assez jolie. Mi Jésus, Javotte, qui était un peu physionomiste, craignit un instant d'être obligé de recommencer une troisième fois la toilette de mademoiselle de Morvert. Mais il n'était plus temps, heureusement pour Javotte. Berthe descendit au salon où dame Joseph de la Croix-Mauduit recevait messire Aubry et sa suite. Une demi-heure après, tout le monde était en route. Le soleil chaud se cachait derrière les nuages. La cavalcade descendait le chemin de Dol à Pontorson. C'étaient d'abord deux hommes d'armes de Morvert, suivis du page mignon de Berthe, qui se nommait Fidèle, tout comme un petit chien. Venait ensuite la vieille dame Joseph, montée sur une vieille acnée grise, un vieux faucon au poing, un vieil écuyer à la hanche droite, une plus vieille suivante à la hanche gauche. En troisième lieu, Berthe, Jeanine et Aubry chevauchaient côte à côte, Aubry entre deux. L'arrière-garde était composée de Jeannin et de deux vassaux de Kergariou, équipés en hommes d'armes pour cette grande occasion. Berthe était enchantée. Elle n'avait jamais vu Aubry, son beau cousin, si gai et si empressé auprès d'elle. Aussi elle se disait que j'ai eu bonne idée de faire une autre toilette. Javotte, que nous avons eu le tort de ne pas mentionner dans le dénombrement de la cavalcade, se tenait entre sa maîtresse et l'arrière-garde. elle était fort en courroux de voir la petite Jeannine sur la même ligne que Mademoiselle de Morvert. Elle eût été bien autrement courroucée si elle avait pu comprendre pourquoi Messire Aubry était aujourd'hui si empressé et de si charmante humeur. Pauvre Berthe, avec sa seconde toilette. Jeannine allait dans sa simplicité de tous les jours, et pourtant Messire Aubry ne voyait que Jeannine. Fin de la section 8.